À tous ceux qui, en plus de se demander « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?», se demandent ce qu'il y a dans leur assiette et d'où ça vient et si ça respecte l'environnement. Et à tous ceux qui en ont marre de passer plus de temps à lire les emballages qu'à déguster ce qu'il y a dedans. Désormais, l'application Intermarché vous permet de répondre facilement à toutes vos questions en sélectionnant les produits selon vos préférences, que ce soit en termes de nutrition, d'origine ou d'impact environnemental. Alors une dernière petite question, qu'attendez-vous pour la télécharger ? Intermarché, tous unis contre la vie chère. En raison du contexte sanitaire, notre série sur le corps féminin est exceptionnellement et temporairement interrompue. Elle sera reprogrammée dès que possible. En attendant, et pour patienter, je vous propose d'apprendre à devenir vertueux avec Jean Kelevitch. Dans le traité des vertus de Jean Kelevitch que nous lisons pour vous cette semaine, on trouve des pages sur la sincérité, sur l'humilité, c'était le sujet de l'émission d'hier, sur le courage, on en parlera demain, et sur la gratitude. Quel type de vertu est la gratitude? À qui ou à quoi dit-on merci? Et ce merci doit-il être, comme l'amour pour Jean Kelevitch, inconditionnel? Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bah, commençons par là. Quand je vous dis merci d'être avec nous ce matin, est-ce que j'exprime de la gratitude? J'espère. Ah, c'est dans l'intention, c'est ça? C'est pas le mot ne suffit pas. C'est très important, effectivement, l'intentionnalité, puisque dans la gratitude, en fait, il y a la personne. Il y a la personne tout entière. Et c'est d'ailleurs ce qui est raconté par Jean Kelevitch. C'est pas simplement l'instant ponctuel, c'est tout l'engagement de la personne. Alors après, dans la gratitude, il y a un surcroît. C'est-à-dire qu'en fait, le merci n'épuise jamais le merci. Donc c'est quand même c'est-à-dire que si là vous me dites merci, ouais. En fait, vous me dites d'une certaine manière éternellement merci. Ah oui. En tout cas, si vous êtes dans la gratitude, si vous êtes simplement dans l'échange, vous me dites merci, puis on va passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la gratitude peut pas être ponctuelle. Non, la gratitude, ah oui. Elle est en fait, il y a toujours un reste, il y a toujours un je ne sais quoi, il y a toujours un flou, c'est même le terme chez Jean Kelevitch, il y a un flou, il y a quelque chose qui est immense, il y a quelque chose qui ne se clôt pas. Je suis en dette infinie et vers le passé et vers l'avenir, j'accueille d'une certaine manière, j'accueille quelque chose, je remercie et je remercie pour quelque chose en fait qui est, voilà, je ne pourrais pas clore la dette par ce merci. C'est ça la gratitude. Et donc j'exprime ma gratitude et au moment où je l'exprime, en fait, il est impossible de clore le fait que ça y est, c'est fini cette histoire, chacun chez soi. Et voilà, c'est la différence, si j'ose dire, avec l'argent. C'est-à-dire que l'argent clôt. La puissance de l'argent, c'est de dire « je t'ai payé, maintenant tu me lâches et c'est terminé ». C'est la psychanalyste qui parle là. Mais oui. Mais c'est ça. Ouais. Pourquoi? Parce que si, je le dis d'ailleurs aux patients, si les patients ne nous payaient pas, ils seraient en dette infinie. Ils seraient précisément dans la gratitude. Alors, bien évidemment, heureusement, on peut être dans la gratitude et puis manier un petit peu d'autres outils, notamment l'argent. Mais normalement, la gratitude, c'est vraiment ce don et ce sentiment de dette et en même temps, pas d'amertume. Et ça, c'est une des choses les plus compliquées. C'est pour ça que c'est extraordinairement fantastique d'être dans la gratitude, parce que c'est très très dur pour certains d'entre nous, pas pour tous, heureusement. C'est très très dur de reconnaître qu'on a eu besoin. C'est une chose difficile, alors que non, on devrait être tranquille avec ça, mais non, ça nous fragilise. Ça veut dire qu'on a été manquant, qu'on a été dans le besoin d'eux. Et quand on exprime une gratitude, on reconnaît implicitement que l'on a été vulnérable, que l'on a été manquant. Et ça, c'est pas nécessairement simple pour certains d'entre nous. Et donc, voilà. Donc, quand on est capable de reconnaître, c'est que tout d'un coup, on est tranquille avec ce fait d'avoir été vulnérable. Vous êtes Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste. Vous êtes professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers. Et vous dirigez la chaire de philosophie à l'hôpital Psychiatrie et Neurosciences de Paris. Je m'adresse ici à la philosophe et à la psychanalyste, puisque quand on parle de gratitude, on est précisément, me semble-t-il, à la rencontre des deux. C'est à la fois un concept, tel que Jean Kelevitch en parle, un concept philosophique, qui a une teneur morale, puisque c'est une vertu morale dans le traité des vertus, mais c'est aussi, les exemples que vous venez de prendre le montrent bien, quelque chose qui relève d'un vécu, alors psychologique, je ne sais pas, psychanalytique, je le sais encore moins, mais en tout cas, qui met en jeu chaque personne et le passé qu'il charrie avec lui. Oui, c'est très juste. Alors, reconnaissons que c'est un tout petit peu vrai de quasiment toutes les vertus. Et chez Jean Kelevitch, ça s'exprime de deux façons. Il va parler de la quiddité. La quiddité, ben, c'est l'essence d'une chose, c'est le concept, c'est la question. Hein, donc c'est la gratitude comme concept, c'est la gratitude comme immense question. D'une certaine manière, bon, allez, je vais pas dire parce que c'est trop court, mais l'approche théorique de la gratitude. Et puis il va parler de la quodité. Et la quodité, le quod. Donc le quid d'un côté, le quod de l'autre. Exactement. Et en fait, le quod, c'est l'expérience. C'est le fait. C'est pas simplement l'idée, c'est le vécu. Et d'ailleurs, il en parle comme ça, bien sûr, quand il parle de la mort, entre la quiddité de la mort et la quodité de la mort. Vous comprenez que bon, il y en a un des deux qui est, entre guillemets, totalement définitif. Et en même temps, bien évidemment, nous sommes toute notre vie transportés par la quiddité de la mort. Ben, la gratitude, c'est pareil, toutes les grandes vertus, il y a ce passage. Et en fait, l'un n'est pas plus important que l'autre. L'un se nourrit sans cesse de l'autre, c'est-à-dire de ces moments où on vit l'expérience de la gratitude. Et puis, de ces autres moments où elle nous tient comme une idée régulatrice, où on aimerait l'atteindre et on ne l'atteint pas. Voilà, il y a quelque chose qui... Il y a une dialectique qui est absolument nécessaire entre les deux. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui va aussi au-delà du moment. Et ça, je pense que c'est important, c'est ce qui fait sa stance. La gratitude, c'est toujours ce qui reste. Le surcroît. Et alors, bien évidemment, il faudrait, ce qui serait merveilleux, c'est d'avoir de la gratitude pour ce que l'on n'a pas reçu. Ça, c'est le geste magistral. C'est-à-dire que j'ai une gratitude d'emblée. Ça, c'est les êtres qui sont dans l'accueil absolu. Ce sont les saints qui font ça. Par exemple. Qui en sont capables. Mais peut-être d'autres. Mais enfin, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la morphatie, entre guillemets, de Nietzsche. C'est-à-dire le fait de... D'acquiescer au monde. Acquiescer au monde. Alors, pas dans l'acceptation, hein. C'est même parce que l'acceptation, ça serait déjà faire un deal. Non, acquiescer, accueillir, recevoir, et simplement par le fait d'avoir été créé, d'être en dette, mais encore une fois, pas en dette ressentimiste, pas en dette de, mon Dieu, je te dois quelque chose et ça va me pourrir la vie. Non, je te dois la vie et ça va véritablement être un principe vitaliste. Et donc, la gratitude, elle est quand même de ce côté aussi de l'élan vital, du conatus. En tout cas, c'est comme ça que, plus personnellement, je vais la mettre. Après, il y aura, chez Jean Kelevitch, d'autres moments plus difficiles et on va peut-être en parler avec notamment la question de l'imprescriptible et des questions qui renvoient plus à l'histoire. Celui qui a l'amour a tout, enfin, Paul a dit ça, autrement que moi, et bien mieux, mais c'était vrai, de la charité, n'est-ce pas ? Celui qui a toutes les vertus mais qui n'a pas la charité, ben, il n'a rien du tout. Il peut aussi savoir jouer du violon, du clavecin, de l'alto, et puis ça ne concerne pas la vie morale. Et inversement, celui qui a l'amour n'a pas besoin d'avoir les autres. Par conséquent, celui qui est vraiment à l'amour de son prochain, a fortiori est sincère, a fortiori est courageux le moment venu, est généreux, enfin il a tout, et même l'humilité. Et il pense pas à lui, il pense qu'aux autres. Donc, il est bien évident que toutes les vertus sont comprises en amour. Déjà, les stoïciens disaient ça. Celui qui en a une, les a toutes. Quelle place tient la gratitude dans le traité des vertus, Cynthia Fleury ? On entend Jean Kelevitch, était ici en 1971, dire que celui qui a l'amour a tout, celui qui a la vertu de l'amour les a toutes. J'ai un peu l'impression qu'il dit ça de presque toutes les vertus. Alors, est-ce que c'est vrai déjà ? Et où se situe la gratitude dans cette classification ? Non, mais c'est vrai, c'est extrêmement compliqué parce que le traité des vertus, c'est un traité qui est où chaque vertu est un chemin particulier vers le tout et en même temps est lui-même le tout. Donc c'est donc parce que le courage, vous allez en parler demain. Il le dit autrement, il dit c'est une vertu cardinale, c'est la base de toutes les vertus. Donc si vous voulez, on peut considérer qu'effectivement, par l'entrée par une porte est spécifique, mais qu'ensuite, vous avez la possibilité bien évidemment d'attraper tout l'écosystème vertueux. Donc la gratitude dans le traité des vertus, c'est quelques chapitres qui sont dédiés plus spécifiquement au rendre grâce, à la reconnaissance, au fait de remercier, parce que remercier, c'est pas nécessairement aimer, c'est forcément aimer, mais voilà, donc c'est toujours très très subtil. Hein, c'est une vraie question d'ailleurs, parce qu'on peut dire merci sans aimer. On peut dire merci. Et on peut aimer sans tout à fait, en tout cas au sens de sentiment amoureux. Ouais. Hein, au sens de sentiment. au sens d'agapé, c'est-à-dire au sens de communauté des hommes, ce qui est aussi une autre définition de l'amour, l'agapé. Donc il y a la philia, il y a l'agapé, il y a l'éros. Tout ça, c'est l'amour, mais de fait, c'est pas le même type d'amour. Ou l'amour filial, qui est encore autre chose. Donc, l'acte de remercier, l'acte de rendre grâce, la reconnaissance, etc. Tout ça, c'est plus spécifiquement à la gratitude. Et puis, en plus, avec la gratitude, vous avez éventuellement une part liée à une spiritualité, la question de la temporalité qui est extraordinairement importante chez Jean Kelevitch. La gratitude a un rapport très particulier au temps, alors que je dirais que c'est pas d'emblée ce que l'on pense. C'est-à-dire que de s'inscrire dans le temps du présent nécessite en fait d'avoir de la gratitude. Et ça, c'est très intéressant pour comprendre, je dirais, quelle est la vérité de la morale chez Jean Kelevitch. Eh ben, on va essayer de le comprendre en écoutant un premier texte dans lequel Jean Kelevitch affirme que la gratitude est toujours seconde. Elle n'est pas première. Il y a une matière que travaille la gratitude. Tout comme son... Alors, est-ce que c'est son opposé? Est-ce que c'est son cousin? En tout cas, la gratitude ne va pas sans le pardon. Le pardon a besoin d'une matière pour son travail de pardon, qui est déchirant oubli. Et la gratitude a besoin d'une matière pour son labeur de gratitude, qui est fidèle souvenance. Merci et je te pardonne sont l'un et l'autre des mouvements seconds répondant à un mouvement premier qui est service rendu ou faute commise. La gratitude naît à condition qu'il y ait eu bienfaiteur et bienfait, et seulement à cette condition. Des conditions? Qu'est-ce à dire? Serait-ce que l'amour a besoin de bienfaits pour aimer? L'amour n'aimerait donc pas s'il ne recevait pas de cadeaux? Et qu'est-ce qu'un amour, s'il vous plaît, qui aime à condition? Nous répondons, c'est justement un amour conditionnel, et donc hypothétique et assorti de réserve, et par conséquent, ce n'est pas de l'amour. Dans la mesure où la gratitude cordiale dit merci au bienfaiteur et ajoute gratuitement à la somme due le poids infini, inévaluable, impondérable de sa reconnaissance et de sa dilection, dans la mesure où l'obligation juridique du remboursement est nimbée d'amour, la gratitude a en effet partie liée avec la grâce, et elle est un peu charitable à sa manière. Mais dans la mesure où elle paye sa dette, elle ressortit plutôt à la justice commutative et même à la mercenarité. Elle est donc intermédiaire entre l'ordre du don gratuit et l'ordre du donnant-donnant. Merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci. Je viens de dire 8 fois merci. En effet, je suis poli. Merci pour cette nuit, et pour ton corps, et pour ton lit. Pour une fois, je suis gentil. Pourtant, tu n'as rien compris. Merci. Bon, on espère que vous, vous avez bien compris, contrairement à ce que le chante Eddie Mitchell, hein, Cynthia Fleury. Je dis merci parce que je suis poli, et pourtant, toi, tu n'as rien compris. Tu ne sais pas pourquoi je te dis merci. Lui, il est dans la politesse quand il dit merci. On a bien compris que chez Jean Kelevitch, on n'était pas simplement dans le registre de la politesse. Essayons, et Eddie Mitchell est là pour nous aider à digérer le texte que nous venons d'entendre, essayons de le comprendre. Il est extrêmement dense, assez technique comme souvent chez Jean Kelevitch. Et pourtant, si on le lit mot à mot et quasiment avec à l'aide de l'index pour pointer chaque mot, il nous dit très précisément ce qu'est la gratitude en la comparant, la définissant grâce au concept même de pardon. Oui, alors, et puis vous remarquerez quand même, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, que très souvent on part d'un endroit chez Jean Kelevitch et puis on fait quand même un peu une boucle. Hein. Enfin, je veux dire par là qu'il y a, il commence par le fait de nous dire c'est secondaire, c'est-à-dire qu'il faut nécessairement un substrat et donc ça vient dire le contraire d'une certaine manière quand j'ai dit tout à l'heure, mais mon Dieu, il faudrait que la gratitude soit première. Quand on a dit il faut qu'elle soit accueil absolu. Or, bien évidemment que la gratitude comme accueil intégral, ça existe. Et Jean Kelevitch le sait très très bien. Mais c'est vrai que aussi, la gratitude, dans un premier temps, c'est reconnaître que l'on a reçu. Et donc, nécessairement, il faut une substance, il faut quelque chose. Donc, ça, c'est absolument nécessaire. Et puis, ensuite, on va avoir effectivement une ouverture, d'une certaine manière. Comme s'il y avait une gratitude plus ontologique, moins conditionnelle, qui dépasse précisément le fait de l'échange. Donc c'est très subtil, parce que c'est comme si, dans la gratitude, il y avait à la fois ce moment de la quodité de « il y a bien eu quelque chose, un événement passé, et d'une certaine manière je suis redevable de ça », mais en même temps comme s'il y avait une aura comme ça de cet événement qui fait que j'ai été redevable. Mais en fait, je suis redevable pour tous, pour tout, pour toujours. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est matriciel ce qui s'est joué dans cet instant où j'ai reçu. Parce que quand vous recevez quelque chose, vous ne savez absolument pas la temporalité de l'effet de ce que vous avez reçu. C'est vrai. Mais est-ce que ça s'applique à toute forme de don ? Non, pas nécessairement. Voilà, alors de quoi parle-t-il vraiment, cette gratitude éternelle ? Ah, c'est quelque chose qui renvoie avec, précisément, bah, le fait d'avoir pardonné, c'est-à-dire le fait que je vais pouvoir acquiescer, pas au monde, parce que il est hors de question d'acquiescer à toute injustice, etc., mais que je vais pouvoir être en tant que sujet au monde. Et donc, c'est quelque chose de matriciel, parce que c'est matriciel de mon sujet, c'est matriciel de mon cœur, c'est matriciel du fait que moi-même, je vais pouvoir éventuellement donner. Il dit à un moment donné, la manière qualitative et pneumatique, donc le souffle, d'offrir. C'est-à-dire que, là aussi, on est reconnaissant et soi-même, on passera, c'est ce que disait Kant, de la gratitude, entre guillemets, passive à une gratitude active, c'est que soi-même, on sera possibilité de don pour autrui et de continuer un acte qui doit perdurer par nous. Et c'est la question notamment de la mémoire, du rapport au passé, etc. Donc on voit quand même que, si vous voulez, ce n'est pas ni de l'ordre du donnant-donnant, c'est plutôt de l'ordre du don gratuit. Elle est intermédiaire, dit Jean-Claude Lix dans le texte qu'on vient d'entendre, entre l'ordre du don gratuit et l'ordre du donnant-donnant. Voilà. Et ça passe comme ça, de l'un à l'autre, très très rapidement, mais ce n'est ni l'un, ce n'est ni l'autre. Mais fondamentalement, je pense que si on veut expliquer quand même la saveur particulière de cette gratitude, il le dit d'ailleurs, il le dit, elle est métempirique. Métempirique, ça veut dire qu'elle ne peut pas être empirique. Donc elle ne peut pas être dans l'expérience. Alors qu'il vient de nous dire deux secondes avant l'inverse. Ouais. Donc vous comprenez. Donc hein, oui, quand même, cet homme-là est flou. Alors c'est flou, c'est quoi ? C'est cette fameuse oscillation qu'il prend comme méthode ? Oui, c'est franchement, on a ça dans tout l'univers, même lorsqu'il parle de paradoxologie. Hein, vous savez que c'est la règle première pour expliquer qu'est-ce que c'est que la morale de Jankélévitch. Elle est du niveau du paradoxe. Elle est du niveau, ben, tout simplement, de cette ondulatoire de la musique. C'est encore un très très grand écrivain sur la musique, mais pas pour expliquer quelque chose de la musique. Pour expliquer quelque chose de la pensée. Donc, pour le coup, dans la gratitude, on fait cette expérience-là. Et puis, on fait aussi une autre expérience qui est celle du labeur, parce que c'est un terme qui va revenir très très souvent dans le traité des vertus. Il y a des passages sur le labeur de la gratitude, c'est-à-dire le devoir de gratitude. Donc là, je dirais qu'on a été une première partie plutôt sur l'accueil, la gratitude comme accueil, comme le rendre grâce, comme la reconnaissance, comme le fait de reconnaître la valeur d'autre chose, comme l'humilité, d'une certaine manière, parce que forcément on est humble, en tout cas on touche à une humilité en soi quand on est capable d'être grateful, d'être reconnaissant. Et puis l'autre partie qui est le devoir, le hard, d'une certaine manière, de cette gratitude, la douleur de cette gratitude, et qui va nous emmener vers l'histoire des hommes et vers la question de la transmission. On va garder ça pour la seconde partie de l'émission, si vous voulez bien. Justement, on rentrera dans le dur dans un instant, parce qu'on n'a pas fini d'épuiser ce qui n'est pas le mou d'ailleurs, mais ce qui est la première étape avant d'arriver vers le dur. Comment Jankélévitch justifie-t-il cette analyse de la gratitude ? En fait, sur quoi se fonde-t-il pour dire qu'il faudrait dire merci ? Est-ce que c'est un fondement religieux, chrétien, du merci qu'il faut dire parce que c'est une joie d'exister, ou est-ce que c'est, disons, le résultat, une déduction d'une observation empirique qui dit, mais en fait, on vit mieux entre nous, les individus vivent mieux entre eux s'ils se disent merci. D'où vient comment justifie-t-il ce merci initial ? C'est, je dirais que non, c'est très lévinassien, même si c'est pas, c'est bien évidemment pas dit comme ça. Mais il y a tout de même, en deçà de l'existence, je pense que chez Jean Kalevitch, il y a la question de l'éthique. Alors non pas au sens où ça nous aide à vivre, mais encore une fois, on revient à cette dialectique entre la quiddité et la quoddité. C'est pas que ça nous aide à vivre, c'est que c'est la matière, si vous voulez, sur laquelle, à partir de laquelle, nous sommes les enfants de cette matière-là. Cette matière qui est le fait d'être là. Et être là, c'est tout simplement, il y a quelque chose plutôt que rien. Et donc, nécessairement, il y a un accueil de la vie qui fait qu'à partir de cette vie, on va pouvoir penser, faire de la musique. Voilà, le reste n'est que mots. Donc, c'est ça aussi. Donc, la gratitude, il y a un aspect terriblement expérientiel, mais dans le sens de l'immanence de la matière, c'est plotinien aussi. Hein, on pourrait, tout ça n'est pas, il ne se définit pas comme plotinien, mais je pense qu'il pourrait tout à fait être plotinien, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Plotinien de Plotin. Philosophe Plotin. Parce que, si vous voulez, voilà, il faut bien quelque chose... Et nous rendons grâce, d'une certaine manière, à ce temps premier. Et alors, la science nous aide à définir ce qu'il est, mais enfin, ça remonte toujours en amont de soi. Et donc, ça veut dire tout simplement qu'il faut un amont pour être soi. Il faut un amont. Nous sommes créatures. Alors, dans ce sens-là, dans le sens d'être créature, on pourrait considérer que, de toute façon, oui, il y a au loin une vérité chrétienne qui dit pas son nom. Très clairement, quand on lit le traité des vertus, on peut avoir le sentiment parfois d'avoir une réécriture philosophique de l'évangile. Oui, ça c'est maintenant, encore une fois, on peut le tirer vers autre chose, vers quelque chose qui n'est pas chrétien, mais qui est en revanche métaphysicien. Et par exemple, je prends cette formule chez Jean Kalevitch, puisqu'il dit que la gratitude, et vous allez voir comme c'est clair ce que je vais dire, la gratitude est une loi métalactique. Eh ben voilà. Alors débrouillez-vous, clarté inouïe. Je vous jure que ce n'est pas simple parce que même moi, je me dis alors est-ce que ça a à voir avec le lactique ? Oui, mais là vous lui rendez pas service. Et donc les formules qui sont compliquées. Donc voilà, mais c'est très intéressant d'aller à un moment donné. C'est aussi ça un auteur, hein, c'est-à-dire que vous attrapez un auteur. Alors c'est heureusement, mais et vous plongez intégralement dans un mot pour chercher, tout simplement, pour interpréter, pour faire l'exégèse. Ouais. Ben, je vous pose la question du fondement du merci parce que faire de ces situations où on n'a pas envie de dire merci, de ces situations d'ingratitude, ces moments où on devrait n'attendre rien en retour et pourtant on attend quelque chose et ce quelque chose ne vient pas et ça produit parfois du ressentiment, parfois de la méchanceté. Je prends le cas paradigmatique d'une relation filiale, on va dire, les parents qui devraient ne rien attendre de leurs enfants et pourtant ils ne cessent de les traiter d'ingrats, ce qui montre bien qu'il y a quand même une attente. Cette objection, elle est formulée pour vous, Cynthia Fleury, par Tati Daniel. Oh, vous n'avez même pas ouvert votre lettre depuis l'autre jour. Quelle lettre ? Celle de vos neveux, pardi. Si c'était de toute façon, ce ne peut être qu'une mauvaise nouvelle. Ouvrez-la tout de même. Ouvrez-la. Vous en mourrez d'envie. Seigneur, ils arrivent mercredi. Oh, c'est demain. Quand je disais que ce serait une mauvaise nouvelle. Jean-Pierre dit qu'ils viennent fleurir la tombe de ses parents. Ils ne viendront pas cet été, car... Oh, ils vont en Grèce. Ça me fait une belle jambe. Ils ont téléphoné plusieurs fois, ça ne répond jamais. Ils ne resteront pas pour déjeuner pour ne pas déranger. Je vais tout de même leur préparer un petit quelque chose. Puisqu'ils vous disent qu'ils ne viennent pas déjeuner. C'est tout de même vos neveux. Petit neveu. Immense. Ils sont très gentils. Ils vous invitent toujours à Paris. Ah, ça nous fera un peu de distraction. Les enfants ont dû grandir. Ah, parce qu'en plus, il y a les enfants. C'est le bouquet. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et Tati Daniel, le film d'Étienne Chatillès qui date de 1990. Dans cette série d'émissions sur Jean Kalevitch, les vertus de Jean Kalevitch, aujourd'hui on parle de la gratitude. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que Tati Daniel ne se sent pas, en dette à l'égard de l'amour que lui portent ses neveux. Et justement, il n'y a rien d'obligatoire. On parle depuis le début de cette émission de la gratitude comme quelque chose que l'on doit. On doit dire merci, il faut rendre grâce à notre existence, etc. Ben non, on ne doit rien, puis surtout parfois on ne peut pas. Oui, alors c'est encore une fois, on a une définition ici éthique du devoir. Et c'est terrible dans cette définition éthique du devoir, puisque il ne peut pas, si c'est éthique, ce n'est pas contraint. Sinon, on n'est plus libre. Sinon, on n'est plus libre. Et en même temps, bien évidemment, c'est de porter en soi cette exigence, cette volonté, d'une certaine manière, de rendre grâce, de reconnaître. Et donc, oui, il y a quand même une vérité rigide. Donc, mais ça ne peut pas être de la contrainte. Bon, ça s'appelle la volonté, hein, ça s'appelle le vouloir du vouloir. Donc, c'est tout, mais c'est subtil. On peut parfois considérer que il y a quand même, voilà, quelque chose de contraint. Bon, alors Tati Daniel, de fait, elle se sent pas, mais on sent chez Tati Daniel. Elle n'est pas contrainte. Elle n'est pas contrainte, mais on sent tout de même une aigreur, pour le moins. Une méchanceté, même dans oui, cas. Oui, une méchanceté. Et on se dit éventuellement que peut-être qu'elle a du ressentiment parce que elle trouve qu'ils ne sont pas assez reconnaissants envers elle. Donc, c'est, pour le coup, on ne sait pas, si vous voulez, jusqu'à quel point elle est indifférenciée. C'est pas du tout sûr qu'elle soit dans l'indifférence au sens de « je ne leur dois rien, ils ne me doivent rien ». C'est pas aussi simple. Chez Tati Daniel, on a quand même un sentiment où les autres lui doivent tout et elle, strictement rien. Et donc, c'est généralement... D'ailleurs, ça en fait un personnage très commun, très banal, parce que c'est une vérité qui est assez partagé par les uns et par les autres. Donc, on a tous ce sentiment. Et d'ailleurs, Jean Kelevitch dit « l'ingrat est un insensé ». Voilà, c'est quelqu'un qui manque de discernement, fondamentalement. Et discerner, vous savez, c'est certes trier, avoir le sens des choses, etc., mais sainement. Dans la définition du discernement, il y a un caractère de la santé, d'être en bonne santé. Donc, pour le coup, chez Tati Daniel, bon, ben, elle est devenue insensée. Parce qu'encore une fois, on n'a pas dit tout à l'heure, on a dit qu'il y a un surcroît. Il y a un surcroît dans le temps, quand on est, quand on éprouve sa gratitude. Mais il y a un surcroît aussi, c'est extraordinairement génial, la gratitude, parce que à qui ? Je veux dire, là, vous pouvez me dire merci à moi. Enfin, si vous ne m'aimez pas, bah, vous dites merci à autre chose. Merci de votre présence, merci de votre participation. Oui, mais déjà même. Mais imaginons même que vous, vraiment, vous ne m'aimez pas. Ouais. Vraiment, vous n'êtes pas du tout content. Mais vous dites merci à la radio, à Radio France. Puis franchement, Radio France, c'est... Non, aussi, non, mais je veux dire merci à ce que vous faites, pas à ce que vous êtes. Tout à fait. Mais même, c'est presque... Voilà, mais même au-delà. À la vie, à Jean Kelevitch, qui nous réunit aujourd'hui. Donc, si vous voulez, la gratitude, ça aussi, c'est un chemin. Il y a plusieurs chemins, si vous voulez. Donc, à un moment donné, quand vous décidez, comprenez bien, quand vous décidez de ne pas être dans la gratitude, c'est-à-dire que vous fermez tous les chemins. Est-ce qu'on le décide ou est-ce qu'on n'y arrive pas ? On n'y arrive pas, mais c'est... Mais si c'est pour ça que la relation parent-enfant est très intéressante, au-delà du cas de Tati Daniel. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on ne peut pas ne pas y arriver. Ah bon ? Mais non. Puisqu'il y a 1000, 2000, 1 milliard de chemins. Donc, si vous voulez, Donc, il y a forcément de la mauvaise volonté. Bien évidemment. De la part des ingrats. Mais bien évidemment. Les ingrats ne veulent pas reconnaître. Et le jour où, enfin, ils reconnaissent qu'ils sont dans précisément un agir et non pas une absence d'agir, on a fait un pas absolu. Et là, on se dit, bon, ben, tout est possible. À partir du moment où il y a une reconnaissance de, ben, non, je ne veux pas. Non, et le fameux je ne peux pas, mais non, tu peux, puisque tu es devant le chemin. Et ça, on le découvre en lisant Jean Kelevitch ou en allant s'allonger sur un divan? Bon, les deux. On peut faire les deux en même temps. On peut faire les deux. Alors attention, hein, moi je ne crois pas du tout, je rassure tout le monde, que la psychanalyse a le monopole de l'analyse. Hein. On peut aller s'allonger où on veut, on peut aller sous un arbre et produire un travail analytique. C'est vrai que la question du tiers est une question importante. Voilà. Mais même encore, je pense qu'elle n'est pas exhaustive. C'est-à-dire qu'on peut aussi ne pas passer par un tiers. En revanche, se passer de l'analyse, je pense que c'est pas un bon chemin. Alors, la question que pose la gratitude, c'est celle de savoir jusqu'où peut-on donner sans rien attendre en retour. J'ai l'impression, en prononçant cette phrase, de parodier un nombre de chansons d'amour infinies. Et c'est la question que pose Jean Kelevitch. Donc on va s'y plonger à présent. On va entendre un autre texte précédé d'un extrait de film, un cours d'escrime qui prend la métaphore de l'épée en plein cœur. Lorsque quelqu'un aime et n'est pas aimé, il a l'impression d'avoir une épée en plein cœur. Mais peut-être est-ce là la définition, la seule qui convienne à l'amour. How are you feeling? Oh, absolutely fantastic. Delightful. And what a marvelous idea this was, thank you. Aimer quelqu'un qui, pour une quelconque raison, ne peut aimer en retour, c'est un coup en plein cœur. Et si tu écoutes les poètes, il y a peut-être une certaine beauté dans cet amour. Il brûle. Incandescent. Il n'est jamais terni par la réalité ou par l'usure. Il est aussi vibrant et radieux qu'il l'était au tout premier jour. Il y a de la beauté dans tout cela. Je trouve. Moi, je m'accroche à cette idée. Le moi aimant prend plaisir à aimer pour la bonne raison que c'est lui qui aime. Mais il n'y a rien à conclure de là contre le désintéressement de son amour. Sinon que l'être aimant devrait cesser d'être pour cesser d'en jouir. Seul le non-être, en ce sens, n'est absolument pas intéressé. Seul l'inexistant n'est absolument pas égoïste. Contradiction absurde et quasi insoluble de l'existence morale. Il faudrait nihiliser l'être même de l'amant pour obtenir un altruisme pur. Mais alors il n'y aurait plus d'altruiste en général. Le sujet a donc besoin d'un minimum d'épaisseur ontique et substantielle pour pouvoir aimer. À moins de s'anéantir, l'amant aime d'aimer, et pourtant l'amour de bienveillance reste possible. La complaisance, dans ces conditions, ce n'est pas tant d'être le sujet de sa propre bienveillance, car les anges seuls seraient purs agents de leur action, que d'y prendre goût et d'y adhérer. La joie peut être désintéressée, car la joie est simple et innocente, extroversée et sans retour sur soi. La joie, mais non la jouissance, qui prétend se sentir elle-même. Le plaisir aussi peut être simple et primaire, mais non la complaisance, qui est le plaisir du plaisir. Relier la gratitude à l'amour permet de soulever la question de la part d'égoïsme qui réside dans l'altruisme. Lorsqu'on est reconnaissant envers quelqu'un, on dit peut-être merci à quelqu'un, on dit peut-être merci en général. On joue un rôle dans ce merci. Oui, mais et c'est vrai que c'est très compliqué de dire... si on voulait tout d'un coup classifier, catégoriser la gratitude, alors elle est du côté de l'altruisme, d'emblée on se dit ça. Ou alors elle est du côté en fait d'un égoïsme bien réfléchi, c'est-à-dire qu'en gros, c'était la première question que vous m'aviez posée au départ. Est-ce qu'on vit mieux quoi? Est-ce qu'on vit mieux en étant dans la gratitude? Ça c'est un premier point. Ce qui serait alors un intérêt bien compris. Ce qui serait un intérêt bien compris qui dit pas son nom. Et puis même bêtement, même si on vit pas mieux. Quand je dis merci quand même au fait que, l'air de rien, j'ai reçu. Donc, c'est donc, il y a quand même un intéressement. Et donc, bon, là, on retombe dans la paradoxologie chez Jean Kelevitch, c'est-à-dire que oui, c'est extraordinairement compliqué parce que, non, bien évidemment, ce n'est pas de l'égoïsme, mais l'altruisme pur n'existe pas. Et en plus, si on veut être juste... d'une certaine manière dans la gratitude, il ne doit pas exister, puisqu'il faut quand même qu'il y ait une part en moi qui reconnaît à oui, l'autre. Donc de toute façon, ça n'a pas de sens non plus de l'emmener vers la pureté. On retombe, là on pourrait renvoyer à tout un autre univers chez Jean Kelevitch de dialectique entre l'impur et le pur, puisque ça dit, c'est d'ailleurs la vérité de la morale, c'est qu'on pense que la morale est du côté de la pureté, en découvrant, en lisant Jean Kelevitch, on découvre que bien évidemment la morale, l'éthique, est du côté d'une dialectique de l'impur. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça nous sort de du binarisme, de la radicalité, du camp du bien versus le camp du mal. C'est pas ça, c'est tout un cheminement très, très, très, très, très compliqué. Donc, là, pourquoi c'est, encore une fois, par rapport à la question de l'amour, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas non plus être dans l'amour de l'amour. C'est ce qu'à un moment donné, en écoutant le premier extrait de l'épée... Oui, le film Tolkien, c'est le film Tolkien, voilà, justement. On ne peut pas, parce que ça, c'est pas de la gratitude non plus. Ça, c'est du fantasmatique, ça, c'est du délire. C'est Roméo aussi, hein, qui s'aime plus lui-même qu'il n'aime Juliette, sans doute. En tout cas, il y a une faille narcissique qui... Voilà. Donc, c'est subtil, parce qu'il y a toujours du manquant, il y a toujours du trou. Il y a moi qui suis dedans, la conscience de ce moi, et en même temps, la volonté de disparaître assez pour faire que l'autre émerge, et puis le monde, et puis le doute, et l'incertitude, etc., etc. Et c'est ça qui se joue je pense que dans la gratitude, il se joue le fait, si vous voulez, de quitter la toute-puissance, fondamentalement, de quitter le fantasme de la toute-puissance, de quitter le fantasme de la fusion, parce que la fusion est une toute-puissance, notamment dans l'amour, et de véritablement accueillir l'autre. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Et je pense que l'altruisme, fondamentalement, n'est pas une disparition de soi, oui, mais c'est un accueil de l'autre, et donc de l'autre avec soi. Mais c'est toute la question, c'est de savoir la place que nous faisons à l'ego, au jeu, à celui qui dit moi. Hier, quand on parlait de l'humilité avec Pierre-Alban Guinfolo, celui-ci disait que chez Jankélévitch, le moi devait être réduit au presque rien, le plus petit possible, ce qui semble extrêmement difficile à tenir. Et il me semble que pour être du côté de la gratitude, pour pouvoir dire merci, pour pouvoir aimer, il faut quand même aussi s'aimer soi-même. Et d'ailleurs, Jankélévitch serait sans doute assez d'accord avec ça. Ah, oh ben oui, non, totalement. Et là encore, c'est le paradoxe qui nous saisit, c'est qu'il faut que l'ego, dans sa... Il y a un double mouvement. Dans sa puissance égotique, il faut d'une certaine manière une disparition. Et dans la puissance d'accueil qui est aussi l'ego, c'est-à-dire la force de vie, la force érotique, la pulsion de vie, il faut d'une certaine manière qu'il soit étendu, parce que c'est ça en fait, l'ego. Encore une fois, il le dit, hein, il faut un substrat, donc il faut bien un ego, sinon il n'y a pas de substrat. En tout cas, quand on s'appelle un humain, si on s'appelle une plante, on passe par autre chose. Mais la plante a besoin, si vous voulez, d'un substrat, même pour déployer quelque chose. Donc, ça c'est l'ego. Mais encore une fois, avec une plasticité qui fait que cet ego, il ne se vit pas nécessairement comme un jeu petit, il se vit comme un monde. Mais alors, quelle différence entre la gratitude et la reconnaissance? C'est un mot qu'on emploie beaucoup en ce moment, la reconnaissance, ce besoin de reconnaissance. On a envie que les gens nous disent merci, que les gens reconnaissent notre propre existence. Là, si on se situe du point de vue de celui qui attend le merci. Oui, non, mais là, pour le coup, on n'est pas dans la gratitude au sens de Jankélévitch. On est, si vous voulez, effectivement dans un besoin, dans une demande, dans un trou pour comment dire le sujet. Et d'ailleurs, vous avez énormément d'individus qui ont mal parce qu'ils ne se sentent pas reconnus, parce que précisément ils sont en demande. Alors, sont-ils en demande de gratitude? Mais c'est ça la question. C'est ce qu'on peut souffrir de ne pas recevoir de gratitude. Ah oui, vous voyez, très clairement. Oui, oui. Et à partir du moment, si vous voulez, où on dit ce sont des ingrats. Bon, ça y est, on a le masque est tombé et on s'est placé. Donc, et les parents, notamment, peuvent être de ce côté-ci. Le problème, si vous voulez, c'est que la dette est impossible. Alors là, je reviens véritablement sur la question des parents. Il y a des dettes qui sont irréversibles. Il y a des dettes qu'on ne peut jamais payer. On ne peut jamais les payer, et même qu'on voudrait les payer, qu'on ne le pourrait pas. Parce que les parents ont toujours cette arnaque de dire « si, si, tu peux quand même payer un peu, vas-y, essaye, tu vas voir, ça va me calmer ». Et en fait, non, je rassure tout le monde. Alors, non, ça anime au contraire le fait, et ça vient au contraire leur prouver à quel point ils avaient raison de réclamer l'infini de cette dette. Bon, donc la gratitude, voilà, c'est une reconnaissance qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et en même temps, logiquement, chez celui qui reçoit la gratitude, ça devrait, mon Dieu, l'apaiser et faire en sorte qu'il délivre normalement un peu de la dette, il délivre l'autre. Voilà, quand on a reçu de la gratitude, généralement, comme il y a un surcroît dans ce sentiment de gratitude, on peut considérer que, allez, on est un peu tranquille avec ça, c'est pas toujours le cas. Vous ne l'aimez pas, votre époque? certains aspects de mon époque. J'aime la jeunesse de ma ville, de mon université, mais enfin, j'aime pas tout quand même. Faut pas croire que j'aime tout dans cette époque. J'aime pas son aspect marchand, mercantile, impitoyable. C'est ça aussi qui la caractérise. Qu'est-ce qu'on pourra en dire plus tard de cette époque ? Eh bien, on en dira beaucoup de choses que les étudiants ont dites passionnément dans ces années... 68 dont maintenant, ils sont bien revenus, les pauvres, bien désenchantés. Enfin, ils avaient vu beaucoup de choses, dont finalement, on est obligé de tenir compte. Parce qu'il y a quand même des conséquences invisibles. N'est-ce pas ? Vous me direz, on les voit pas beaucoup, hélas, ces conséquences. Mais elles ont changé ma vie, moi. Elles ont, ça c'est vrai, inauguré des rapports nouveaux entre moi et les étudiants. Parce que ces rapports, je ne les avais pas avant mai 68. Je faisais mes cours, vous savez, comme un magistère. Je faisais mon cours magistral comme un magistère, perché sur mon perchoir, quoi. Moi aussi. Et les étudiants n'osaient pas venir. Pas. Ils ne me connaissaient pas, je ne les connaissais pas. Et c'est mai 68, avec ses violences, ses absurdités, qui a tout dégelé. Et qui a inauguré pour des rapports absolument nouveaux dont je suis très reconnaissant. Et c'est quand même eux qui ont eu cette invention géniale. C'est bouleversant d'entendre Jean Kelevitch exprimer sa gratitude à l'égard de ses étudiants. Et vous aurez remarqué, Cynthia Fleury, lorsqu'il en parle, c'était au micro de Jacques Chancel en 69, il parle d'inauguration de quelque chose. Exactement. C'est le début de quelque chose. Voilà, je pense que là, on a vraiment de quoi est grosse la gratitude. En fait, la gratitude, elle est grosse d'un commencement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne peut pas poser la temporalité de l'effet de ce que l'on a reçu. Et en fait, il s'ouvre quelque chose. On est vraiment dans la gratitude quand on comprend qu'il s'est joué dans ce qu'on a reçu la matrice d'un commencement. Et c'est ça. Et alors, bien évidemment, ça s'appelle la vie, ça s'appelle l'émergence. C'est ce que nous recherchons tous. Et donc, on est fondamentalement reconnaissant de cette rupture de paradigme, de ce seuil, vous l'appelez comme vous voulez, de ce je ne sais quoi, parce qu'on vous dirait, mais explique-moi, c'est quoi? Ah, mais non, et là, tout d'un coup, c'est plus possible, on l'a plus. On dit, mais tu faisais ça avant déjà. Oui, je le faisais, mais en fait, pas comme ça. Mais en fait, et il le dit, il dit, c'est des conséquences invisibles, on sait pas. Et en fait, ça a changé ma vie. Bon. Donc, c'est ça qui est ce je ne sais quoi. C'est-à-dire que ce je ne sais quoi, il est matriciel. Donc, si on est purement dans une approche quantitative, on dit, on mesure ça, on dit, mais c'est rien ce truc, ça n'a rien. Sauf que si on est dans une approche dynamique, cette graine, elle donne bien évidemment quantité de choses et elle bascule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par, alors cette époque, il dit, cette époque, je l'aime pas. Enfin, c'est d'abord ça qu'il dit. Et vous voyez qu'au fur et à mesure de son discours, il est en 69, un an après. Et au fur et à mesure de son discours, il dit, mais enfin, c'est pas le problème. Oui, l'époque. Mais en fait, et il trouve, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il trouve son chemin, les multiples voies de la gratitude, et il revient, bien évidemment. Il dit, mais si, là, bien sûr, je suis profondément reconnaissant envers mes étudiants parce qu'ils m'ont enseigné ça. Et ça, c'est, je pense que nous cherchons tous dans notre vie ces rencontres. Ces rencontres amoureuses aussi qui sont très la rencontre amoureuse, elle est définie par ce qu'elle porte. Donc pareil, par le fait qu'elle est commencement. Donc c'est matriciel, c'est inaugural. Et c'est le penseur du commencement, hein, Jean Kelevitch. C'est le grand penseur de ses débuts. Voilà, de inaugural et de montrer là aussi parce que c'est le grand penseur aussi du sujet et c'est tout, c'est et le grand penseur de ce qu'il appelle le seuil incoatif de la décision, donc ce seuil où on décide, et on voit bien que c'est extraordinairement compliqué de dire, mais au fait, pourquoi on a décidé? Pourquoi on a décidé? Parce que c'est moi tout seul? Ou en fait, non, pas du tout. On arrive à enfin décider parce qu'en fait, on a reçu. Donc, ce qui voudrait dire, d'une certaine manière, que la gratitude, d'une certaine manière, c'est l'en-deçà de ce qui va permettre peut-être ensuite la décision. C'est-à-dire d'avoir reçu, comme ça, d'une certaine manière, l'envie, le désir d'une puissance de commencement. Et c'est ça qui se joue là, parce que fondamentalement, chez Jean Kelevitch, vous avez une morale de l'engagement. Et je pense qu'elle se nourrit, en fait, de manière inaugurale, dans ce geste de la gratitude. Mais ce qui est formidable chez Jean Kelevitch, c'est qu'il nous réconcilie avec la partie floue de nous-mêmes, ce qui ne rentre pas dans des cases exactement. Et généralement, les livres de philosophie procèdent par catégorie, par concept. C'est très clair, c'est logique. Chez Lankelevitch, c'est à la fois très logique et très clair. Et en même temps, on ne cesse de le dire depuis lundi. Il y a cette méthode qui parfois semble obscurcir les choses, nous troubler et nous ramène toujours sur nos pieds. Et c'est très rare d'avoir un penseur qui épouse cette partie-là de nous-mêmes à laquelle, généralement, nous n'accordons aucun crédit parce qu'elle est discréditée par l'entreprise rationnelle. Or là, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Et ce qui nous permet aussi, par ce cheminement si singulier, de saisir la vérité des êtres, ouais. La différence. C'est aussi un grand penseur de la différence, un grand penseur de l'unité. C'est ça qui est très intéressant, c'est que, parce que Dieu sait si aujourd'hui il y a cette querelle qui continue entre la différence et l'universel, etc., alors que c'est bien évidemment la même chose. Donc quand vous allez au plus singulier, au plus différent, vous pénétrez, bien évidemment, sur les chemins de l'universalité. Peut-on parler de devoir de gratitude? Vous avez employé l'expression Cynthia Fleury, comme on parle aujourd'hui de devoir de pardonner ou de droit à l'oubli, justement. Est-ce que ce sont des synonymes ou des miroirs l'un de l'autre? Voici un texte de Jean Kelevitch qui vient du texte qui s'appelle « L'imprescriptible ». Le chapitre, c'est « Pardonner » avec un point d'interrogation. Et écoutez comment le pardon engage un certain rapport au passé, tout comme la gratitude engage un certain rapport au présent. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité. Tel est le cas du passé en général. Le passé a besoin qu'on l'aide, qu'on le rappelle aux oublieux, aux frivoles et aux indifférents. Que nos célébrations le sauvent sans cesse du néant, ou du moins retarde le non-être auquel il est voué. Le passé a besoin qu'on se réunisse exprès pour le commémorer, car le passé a besoin de notre mémoire. Non, la lutte n'est pas égale entre la marée irrésistible de l'oubli qui à la longue submerge toute chose et les protestations désespérées mais intermittentes de la mémoire. En nous recommandant l'oubli, les professeurs de pardon nous conseillent donc ce qui n'a nul besoin d'être conseillé. Les oublieux s'en chargeront d'eux-mêmes. Ils ne demandent que cela. C'est le passé qui réclame notre pitié et notre gratitude. Car le passé, lui, ne se défend pas tout seul comme se défendent le présent et l'avenir. Et la jeunesse demande à le connaître. Et elle soupçonne que nous lui cachons quelque chose. Et en effet, nous ne savons pas toujours comment lui révéler ces terribles secrets dont nous sommes porteurs. Les camps d'extermination, les pendaisons de Tulle, le massacre d'Oradour. En évoquant les jours de la colère, de la calamité et de la tribulation, nous protestons contre l'œuvre exterminatrice et contre l'oubli qui compléterait, scellerait cette œuvre à jamais. Nous protestons contre le lac obscur qui a englouti tant de vies précieuses. Mais on n'est pas quitte envers ces vies précieuses, envers ces résistants et ces massacrés, parce qu'on a célébré une fois l'an la journée de la déportation, prononcé un discours, fleuri une tombe. Ils ont dû braver le ciel pour faire passer leur message. Au cœur de Paris, juste derrière le musée des Invalides, la dizaine de militants s'active pour recouvrir cette statue, celle du maréchal Gallieni. Hey, il a un autre drap, hein ! Héros de la Grande Guerre lors de la bataille de la Marne, il est aussi l'artisan de la colonisation à Madagascar, où il instaure le travail forcé des indigènes. Une statue que ces militants antiracistes ne veulent plus voir. On n'a pas besoin d'avoir de héros qui divisent comme ça. On n'a pas besoin d'avoir de héros sanguinaires. Donc on a besoin des gens qui rassemblent. On a des médecins, on a des Olympe de Gouges, on a des Pierre et Marie Curie, on a des Franz Fanon, on a des Aimé Césaire. On a beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, vraiment, leur place est dans les musées. Pardonner ne veut pas dire oublier. C'est ce que dit Jean Kelevitch. D'ailleurs, il ne faut pas oublier les crimes atroces qui ont été commis au XXe siècle. Il cite les exemples dans le texte qu'on a entendu lu par Vincent Schmitt. Comment, c'est toute la question qui se pose, hein, comment mettre en place ce que Jean Kelevitch prône dans ce texte et dans d'autres, tant l'exigence parfois est très élevée, il est très difficile de pouvoir pardonner à ce qui semble impardonnable, et surtout quelle place faire à ce passé auquel on n'a pas envie de dire merci mais qu'on ne peut pas oublier. C'est l'exemple qui est pris et qu'on a diffusé juste après, hein, de la, alors on parlait des déboulonnages de statues, ici c'était plutôt une dissimulation de statues puisqu'un drap était recouvert, est venu recouvrir la statue du maréchal de Gallieni, c'est, pardon? Ce qui est plus intéressant. Ce qui est sans doute plus intéressant, en tout cas, ce geste-là, c'est ce n'est ni le pardon, Peut-être est-ce que c'est un encouragement à l'oubli, comme si recouvrir était une manière d'effacer, donc de pouvoir continuer à avancer. Comment est-ce que vous interprétez cette action-là? Bon, alors je vais répondre en deux temps. La première, c'est que la position de Jean Kalevitch par rapport au pardon, elle est double, encore une fois, puisqu'il y a tout ce texte qui viendrait d'une certaine manière presque dire que, comme Derrida, qu'il n'y a pas d'impardonnable, puisque si on ne peut pardonner que le pardonnable, c'est que ce n'est pas du vrai pardon, d'une certaine manière. Donc il faut l'impardonnable pour que, fondamentalement, le pardon ait une densité réelle. Bon, très bien, il y a cette première partie. Mais il y a aussi, chez Jean Kalevitch, le pardon est mort dans les camps de la mort. Donc il y a aussi le fait que, précisément, il faut qu'il y ait de l'impardonnable. Donc là, encore une fois, c'est tout sauf binaire. Alors, sur le deuxième point... Le type de rapport au passé qu'engage cette action, de recouvrir une statue. Alors, recouvrir une statue, encore une fois, un des moments clés dans les démocraties, dans les états de droit, c'est ce qu'on appelle la querelle des historiens. Alors là, il n'y a pas des historiens, mais ça faut quand même partir de là. C'est-à-dire que sans cesse, nous mettons dans un travail, non pas de mémoire, mais dans un travail d'histoire, les historiens en premier, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que le travail des historiens académiques pour parler de l'histoire, et nous faisons ce travail de, non pas de réécrire, parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, mais de travailler à essayer de raconter cette histoire. Et donc, bien évidemment, ça veut dire que le discours et les modalités symboliques de ce discours, les modalités de visibilité de ce discours, notamment dans l'espace public, peuvent se modifier. C'est-à-dire, bien évidemment. Donc ça, c'est un point qui est absolument, mais... indéboulonnable. Bon, et puis en revanche, il y a d'autres formes aujourd'hui où on n'est pas dans ça. On est dans la destruction pure et simple, on est dans le fait de croire que les héros qui nous ont précédés sont soit purs, soit impurs. Il y a ceux qui seraient bons qu'on peut garder, il y a ceux qui sont pas bons qu'on peut pas garder. Et donc, c'est une censure qui ne dit pas son nom. Et c'est un refus, justement, d'aller dans la vérité d'un travail. Donc, là encore, c'est subtil, parce que oui, on peut non pas déboulonner, mais on peut décider demain de se dire, bah tiens, telle ou telle statue, bah on va en mettre d'autres, parce qu'on a envie dans l'espace symbolique qui est le nôtre et qui nous construit, on a toujours fait ça, et donc c'est très très bien. Et puis on a aussi, je dirais, le côté infantile, ressentimiste, vengeur, un peu ridicule, un peu inculte, de croire que on va effacer une histoire ou simplement la dénoncer par le fait d'aller détruire les formes culturelles de cette histoire à un instant T. Bon, donc... Mais c'est difficile de trouver un juste milieu. Tout à fait. Que faire de ce passé dont on hérite, dont nous ne sommes pas responsables, qui nous gêne? En l'occurrence, c'est la statue de quelqu'un qui était, c'était l'administrateur colonial de Madagascar. On peut pas l'effacer complètement parce qu'on peut pas nier le passé. Le voir trôner en milieu d'une place peut être gênant. Où est-ce qu'on se situe? Mais si vous voulez, la vérité, c'est qu'on est responsable du passé. Moi, ça, c'est ce que dit Jean Kalevitch? Oui. C'est ce qu'il est, c'est précisément. C'est-à-dire que nous sommes nés du passé. Donc, moi, je veux bien qu'on explique que nous ne sommes pas responsables parce qu'on n'y était pas. Mais on y était par la voie de la vie, par la voie de ceux qui nous ont précédés. Et donc on accueille, c'est toute la question aussi, mais non pas de la gratitude au sens d'acquiescer, si vous voulez, mais le fait de reconnaître qu'il y a eu, en amont de nous tous, quelque chose d'autre que nous, et que donc on peut pas simplement venir détruire cet autre qui a fait que nous sommes issus de cela. En revanche, bien évidemment, on peut travailler, et on doit, c'est pas qu'on peut, c'est on doit travailler pour comprendre cette fameuse chose, et puis surtout, la vérité du passé, c'est l'avenir, hein. Et donc, bien évidemment, ça nous permet de nous tourner et d'être et de construire normalement, en tout cas quand on lit Jean Kalevitch, de construire une éthique. On va se quitter avec la voix de Jean Kalevitch qui exprime son incapacité à mettre en place ce que lui-même écrit dans ses textes sur le pardon et sur la gratitude. Il y a des choses que lui-même n'arrive pas à pardonner. Je fais partie de l'espèce humaine, de ce que j'appelais ce pan de l'espèce humaine, PAN, et que l'ennemi aurait bien voulu supprimer, et c'est un crime métaphysique, n'est-ce pas, et qui a bien failli réussir, notez-le. il s'en est fallu de peu qu'il ne réussisse. C'est pourquoi quand je dis que c'est un miracle que je sois là, à pérorer maintenant à FR3, sur je ne sais pas quoi, avec vous, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors je dois, si j'étais vraiment religieux, je chanterais les actions de grâce à la Providence, qui m'a sauvé, mais elle m'a pas, c'est moi qui l'a sauvé, il y en a bien d'autres qui ne l'a pas sauvé. Mais enfin, comme il s'agit d'un crime métaphysique, forcément, ça a des conséquences sur ma vie de tous les jours. Depuis cette époque-là, je ne puis pas vivre de la même manière, avoir les mêmes lectures, apprécier les mêmes choses. Ça n'a pas de goût pour moi. Et je dirais même que, mettons, une humoresque de Schumann, je les aimais beaucoup, les humoresques, d'ailleurs. Je leur reproche rien, ces humoresques. Et puis, quand il y a le mot humour, même chez les Allemands, ils connaissent ce mot, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'amer, pour moi, là-dedans, dans cet humour. Quelque chose que je supporte difficilement. Mais ça, c'est ma faute à moi. Je suis pas assez généreux. J'ai pas transcendé ma vieille carcasse. Et je suis trop vieux pour me renouveler. C'est comme l'amour à 80 ans, c'est difficile. Eh bien, de la même manière, le pardon, n'est-ce pas, dans ces cas-là, pour un homme un peu usé et qui a vu beaucoup de choses, ça devient très difficile. Alors, à ce point de vue-là, je reconnais que je suis un peu indigne, même du sujet que je prétends traiter, du livre que j'ai écrit, de tout ce qu'on m'attribue, quand on parle de, je sais pas quoi, de la philosophie de l'amour. Là aussi, c'est bouleversant de l'entendre parler de lui-même, l'homme derrière le philosophe. Je précise que Jean Kelevitch, après la Seconde Guerre mondiale, a refusé de lire les textes écrits par les philosophes allemands, d'écouter de la musique allemande qu'il adorait. Il était très radical. Il était très radical, oui, jusqu'à un épisode de rencontre aussi avec une lettre particulière d'un Allemand. Mais en l'occurrence, c'est encore une fois. Mais ce qui est intéressant chez Jean Kelevitch, c'est de montrer que c'est pas un être qui est dans le ressentiment, hein. C'est un être qui est dans la gratitude, alors qu'il n'arrive pas à pardonner. Et ce qu'il a envie de transmettre à la génération d'après, c'est l'exigence de gratitude et le devoir au loin de pardon. Même si lui-même n'y arrive pas personnellement. Et c'est, nous faisons tous cette expérience entre la vérité de ce que nous avons dans notre cœur et heureusement de ce que nous voulons transmettre. Et c'est là où il est, encore une fois, du côté de la sublimation. Même si lui-même, à cet instant T, dit, écoutez, moi j'y arriverai pas, ouais. mais vous, je vous passe le flambeau, et c'est cette exigence-là qui fait que, encore une fois, il y a une éthique et il y a une civilisation. Je peux vous dire merci quand même, Cynthia Fleury. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ce matin. Merci d'être venu nous parler de Jean Kelevitch. Vos ouvrages, vous avez écrit notamment un livre sur la fin du courage, dans lequel il est question de Jean Kelevitch, c'était aux éditions Fayard en 2010. Et puis j'annonce, paraîtra le mois prochain, le 1er octobre, Sigy l'amer. On retrouve l'amertume dont on parlait à l'instant aux éditions Gallimard. On se quitte en gratitude, c'est celle de Paul McCartney. Gratitude. I'm so grateful for everything you've ever given me. How can I explain what it means to be loved by you? By you. Love by you. Love. Et le courage, justement, ce sera le sujet de l'émission de demain. Nous serons en compagnie de Johann Barbero pour cette dernière émission sur le traité des vertus de Jean Kelevitch. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Avril Poignant-Le Goff, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda. À la réalisation, à la prise de son aujourd'hui, c'était Pascal Baudin, à la lecture des textes, Vincent Schmitt. On se retrouve demain donc pour la suite et fin de cette série sur Jean Kelevitch. Le courage n'est pas un savoir, mais une décision. C'est Johan Barbereau qui sera là pour en parler. D'ici là, pour réécouter ces émissions sur Jean Kelevitch, c'est facile, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture. À la page des chemins de la philosophie, vous pouvez réécouter chaque émission en ligne. Regardez le site internet aussi qui est entretenu par Anaïs Isbert. Vous avez toutes les références bibliographiques, des citations des invités, des livres à lire, etc. Vous pouvez également podcaster, télécharger cette émission pour l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et d'y répondre. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.